Les États-Unis se démènent pour rehausser le climat de pression internationale contre la République populaire démocratique de Corée. À ce propos, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 25 aux questions posées par un correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée, qui dit entre autres « Ces jours-ci, les États-Unis ont élaboré une nouvelle politique de pression suprême et d'ingérence visant à isoler et supprimer notre République » et prémédite d'obtenir du soutien de l'intérieur et de l'extérieur du pays en sa faveur. Le président américain Trump a invité en personne les représentants des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU à la Maison-Blanche pour discuter sur notre problème et prévoit y ouvrir une séance d'explication officieuse sur la nouvelle politique à l'égard de la Corée à l'intention des sénateurs, en présence des personnalités de haut rang comme le secrétaire d'État et le secrétaire à la Défense. D'autre part, le secrétaire d'État américain aussi prévoit d'organiser une session ministérielle sur la dénucléarisation coréenne au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est là la proposition ouverte de la pression contre nous et donc un acte dangereux identique à mettre le feu à la mèche d'une guerre totale, vu la situation critique de la péninsule coréenne. Rappelons que la politique d'isolement et de suppression des États-Unis contre la Corée et leurs menaces nucléaires depuis plus d'un demi-siècle a été la cause fondamentale et la force motrice de notre présente détention du nucléaire. Au lieu de juger correctement notre actuelle position stratégique et la volonté de représailles véhémentes de notre armée et de notre peuple, l'administration Trump a élaboré la politique de pression suprême et d'ingérence sans aucune compréhension élémentaire de la réalité. C'est vraiment absurde et téméraire. Comme les États-Unis ont pris le couteau pour la suppression de notre pays, nous prendrons le sabre de la justice pour y mettre fin et écraserons l'impérialisme américain par nos puissantes forces armées révolutionnaires, ayant pour noyau les armements nucléaires, armes omnipotentes. L'actuelle situation prouve nettement la justesse de notre choix d'avoir renforcé qualitativement et quantitativement nos armements nucléaires, suivant la grande ligne d'édification simultanée. On dit que pyromane meurt brûlé. Les États-Unis verront leur sort lamentable causé par leur provocation.